Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 17 mai prochain a effectivement débuté ce mercredi. Nous appellerons nos envoyés spéciaux à Gitega et à Ngozi. Mais les États-Unis s'inquiètent de ce processus de révision de la Constitution. Ils l'ont dit dans un communiqué dont vous aurez les détails dans ce journal. Il s'avère urgent de bien drainer la rivière Mutimbuzi qui a dernièrement causé des inondations et le ministère de la Solidarité a assisté des centaines de victimes. Vous suivrez les détails dans ce journal mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, la campagne référendaire pour le oui ou le non au projet de révision de la constitution burundaise a effectivement débuté ce mercredi dans tout le pays. Le parti CNDD-FDD l'a commencé en province de Gitega, précisément à Bugendana, et la coalition Amizero ya Barundi bat campagne en Ngozi. Nous sommes en ligne avec Joseph Nsabiyabandi. Bonjour Joseph. Bonjour Jean Bosco. Vous êtes en Ngozi et c'est la coalition Amizero ya Barundi qui bat campagne. Décrivez-nous la situation. Ah oui, Jean Bosco, le cortège des véhicules des membres de la coalition Amizero ya Barundi arrive et toujours au centre-ville, au chef-lieu justement de la province d'Ngozi. Certains ne sont plus à bord, ils sont en train de faire une petite marche qui les mène vers le stade Muremera. Où va se tenir dans quelques instants le premier meeting de la coalition Amizero ya Barundi. Je vous dirais que depuis Bujumbura, de part et d'autre de la route, il y a des gens qui se tenaient debout et qui lisaient sur les petites, sur les petites pancartes. Que, les affiches, hein. Les affiches, voilà, les affiches, les affiches que les membres de la coalition Amizero ya Barundi affichaient et, tout en étant dans leur véhicule. Certains disaient que jamais l'aigle ne peut être déniché ou bien délogé. Et les autres disaient qu'ils vont voter non. Et pour le moment, on est en train de se diriger vers le stade Umuremera, où va se tenir, bien entendu, le premier meeting de la coalition Amizero ya Barundi. Ah oui, Joseph, au chapitre sécurité, qu'est-ce que vous constatez? Tout se passe bien, il n'y a pas d'accrochage entre les différents militants? Non, il n'y a pas vraiment d'accrochage. Je vous dirais même que depuis Bujumbura, sur différents checkpoints tenus par les policiers, quand le cortège est arrivé à différents checkpoints, les policiers ont ouvert la route et le cortège a continué dans la paix. Et ce qui est en train de se passer, on voit que des consignes ont été données aux agents aux forces de sécurité pour faciliter la tâche aux différents partis ou coalitions qui sont engagés justement dans cette campagne référendaire. Merci Joseph Nsabiyabandi. Je rappelle que vous êtes en province de Ngozi. Vous suivez pour nous la campagne référendaire de la coalition Amizero ya Barundi. Et le parti UPD Zigamibanga appelle ses membres à voter oui dans les élections référendaires du 17 mai prochain. Abdoul Kassim, président de ce parti, l'a dit ce mercredi dans une conférence de presse. Selon lui, la nouvelle constitution vient renforcer les partis politiques et consolider la démocratie. Quant aux moyens financiers de battre campagne, le président de ce parti a indiqué que son parti s'est préparé en conséquence pour le faire dans toutes les communes du pays. Suivez-le. Zigamibanga a depuis 2010 réclamé qu'il y ait un premier ministre qui soit le chef du gouvernement et c'est chose faite. Aussi, le parti PD Zigamibanga considère que les dissensions qui s'observent au sein des formations politiques vont sensiblement diminuer et la question des airs n'aura plus de place dans le paysage politique de notre pays. Pour ce faire, on assistera à l'éclosion des partis politiques forts et stables et les textes réglementaires des partis seront respectés. Le fait que le président de la République puisse nommer et les membres du gouvernement, sans tenir compte des résultats de leur parti politique, mais des compétences individuelles de chacun, dénotent bien de la volonté de combattre l'exclusion dans la gestion des affaires du pays. Considérant donc les statuts et le règlement intérieur du parti, nous vous dirons rappeler ce qui suit. 1. Le parti PDZ-Gamiunga rappelle à tous ses militants et sympathisants, partout où ils sont, de sortir nombreux pour aller voter oui au référendum du 17 mai 2018. Voter oui sera une affirmation solennelle pour le parti UPDS-Gamiunga que la seule voie d'accéder au pouvoir reste des élections libres et bien sûr transparentes et apaisées. Voter pour oui sera pour le parti UPDS-Gamiunga la consolidation de la démocratie en redonnant la parole au peuple seul détenteur du pouvoir. Vous le savez bien que tous les partis ne peuvent pas engager les mêmes moyens. L'essentiel est que chacun arrive aux objectifs qu'on s'est fixés. Nous allons engager les moyens qui sont les nôtres. Voilà, c'était le président du parti UPDZ-Gamiunga, Abdoul Kassim. Je vous l'avais dit, les États-Unis se disent préoccupés par les amendements de la Constitution burundaise, selon un communiqué rendu public par le ministère américain chargé des Affaires étrangères. L'amendement de la Constitution actuelle ne vise que la suppression de la limite de mandat présidentiel. Le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères dénonce également des violences à l'endroit des opposants. Le communiqué demande au gouvernement de respecter le droit à la liberté. Elie Nibel Nibigira. Dans son communiqué du gouvernement américain via le ministère des Affaires étrangères, le porte-parole de ce ministère rappelle que le référendum constitutionnel est prévu le 17 mai prochain. Heather Nutt affirme que l'amendement de la Constitution actuelle est caractérisé par le processus non transparent. Ce communiqué poursuit que les États-Unis sont particulièrement préoccupés par les amendements constitutionnels qui, selon le communiqué, ne visent que supprimer la limitation des mandats présidentiels et aller à l'encontre de l'accord d'Arusha. Selon le même communiqué, la révision constitutionnelle risque d'affaiblir la démocratie car, explique-t-il, les institutions dépasseront la limite des mandats au pouvoir. Les États-Unis dénoncent également des violences, des harcèlements et des intimidations à l'endroit des membres de l'opposition perçus contre le référendum constitutionnel. Toutefois, Washington reconnaît que le Burundi a connu des défis depuis son histoire et que les États-Unis resteront toujours aux côtés du Burundi comme ils l'ont toujours été afin que le Burundi atteigne la paix et le développement durable. Washington demande au gouvernement burundais, dans son communiqué, le respect des droits internationaux, comme la liberté d'expression, droit à la réunion, ainsi que le droit d'association. Il prône que le processus référendaire soit libre, juste et transparent, de sorte qu'il soit crédible. Elie Nibel Nibigira, la rédaction de la Radio Sanganiro a essayé de joindre le porte-parole du ministère de l'Intérieur pour qu'il réagisse à ce communiqué. Mais en vain, son téléphone a sonné, mais personne n'a décroché. Je vous l'avais dit, notre envoyé spécial Aubin Niyonkuru se trouve en province de Gitega. Bonjour Aubin. Bonjour Bosco. Vous êtes là pour nous couvrir la campagne référendaire au compte du CNDD, FDD. Où vous trouvez-vous maintenant? Nous nous trouvons à quelques mètres du centre de Bougindana où justement le CNDD, FDD a relancé sa campagne pour le référendum du 17 mai. Dans les routes, on voit bien sûr l'ambiance des gens qui portant des t-shirts et autres mentions ou portant les mentions de voter oui. Et dans quelques heures, Bosco, on s'attend au discours du secrétaire général du CNDD-FDD et qui sera suivi par un autre discours du président des sages au sein du CNDD-FDD qui est en même temps président de la République. Oui, Aubin, je viens de joindre Joseph Sabiabandi qui se trouve en Ngozi, où c'est la Miseroya Barundi qui bat campagne là-bas. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'accrochage, que tout se passe bien, la sécurité est bonne, donc pas d'accrochage entre les différents militants de parti. Qu'en est-il à Gitega? Oui, Bosco, c'est la même chose qu'ici. Ceux qui vacquent à leurs activités, ils le font paisiblement. En même temps, ceux qui sont en train de se rendre au lancement de cette campagne à Bougindana, ils le font aussi avec sérénité. Et les forces de l'ordre, visiblement, ont eu la consigne de faciliter la tâche à tout le monde. Exactement. Il n'y a pas aucun incident pour le moment à signaler. Les forces de l'ordre sont là. Merci Aubin Niyonkuru. Je rappelle que vous êtes à Bougindana où vous suivez la campagne référendaire du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Il est 13h07 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez savez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Les gens qui exercent leurs activités à l'avenue Kungiko, c'est dans la zone Rohero devant l'entreprise OTB, disent que le vol à cet endroit est inexplicable. Ils disent qu'après avoir pris les biens des passagers, les voleurs passent dans un puits se trouvant à cette même avenue et disparaissent. Ces gens demandent aux administratifs et aux chargés de la sécurité de prendre cette question en main. Ornella Mucho. Vous voudrez bien nous excuser pour cet élément qui vient en langue nationale. On parle maintenant catastrophe naturelle. Les 654 ménages ont été dernièrement assistés en vivres par le ministère de la Solidarité nationale. Ils sont victimes des inondations liées à la déviation de la rivière Mutimbuzi. Le directeur du département de l'action humanitaire et de l'assistance aux victimes des catastrophes indique que ces familles sont regroupées sur 6 sites se trouvant dans la zone Buterere. Salvatore Nakiruta fait savoir que dans l'immédiat, tous les intervenants doivent faire en sorte que la rivière qui a causé ces inondations soit drainée. Comprenez donc la rivière Mutimbuzi. On l'écoute. Le ministère a fait des interventions très rapidement pour secourir les victimes qui sont regroupées dans quelques sites. Ça fait 6 sites. Et nous avons apporté une assistance alimentaire parce que ces déplacés-là, ce sont des vulnérables qui n'ont rien à manger. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 654 ménages, autour de 2576 personnes. Vous avez assisté ces vulnérables à en vivre et quelle est l'étape qui va suivre? Bon, nous allons continuer à appuyer ces ménages nécessiteux par une assistance alimentaire comme ça rentre dans nos attributions. Mais aussi, quand on va commencer à réhabiliter les maisons détruites, nous allons voir comment les appuyer en tôle. S'il y a des cas de personnes blessées, personnes malades, nous prenons en charge aussi les soins médicaux. Il y a une plateforme nationale au sein de laquelle se trouvent différents ministères. Et chaque ministère a ses attributions spécifiques dans le cadre de ses interventions en termes de réponse humanitaire. Pour l'instant, il est difficile de s'imaginer qu'ils peuvent regagner rapidement leur maison d'origine parce que ces maisons sont détruites. Les eaux coulent encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On va continuer à les assister là où ils sont. Aussi, nous lançons un appel aux autres partenaires avec qui nous collaborons pour qu'ils puissent justement contribuer à cette assistance. On envisage donc de faire tout ce qui peut être fait. D'abord, pour drainer cette rivière Mutimbuzi. Chacun, en ce qui le concerne, au niveau de la plateforme nationale, on va faire une planification des actions concrètes en vue de pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Et la police a procédé à une rafle de taxis-vélos dans la ville de Bujumbura au niveau du boulevard du peuple Murundi. Selon les concernés interrogés par la rédaction, une somme de 20 000 francs burundais leur est exigée pour récupérer leur vélo. Mais la police n'en dit rien pour l'instant, mais le porte-parole de la police a promis de s'exprimer cet après-midi. Suivez les lamentations de ces personnes qui font le taxi-vélo. Leurs lamentations ont été recueillies par la rédaction. Depuis lundi, nous les avons trouvés ces places, poursuivant la même opération. Ils empruntent les axes du marché de Jabé et de l'hôpital Prince-Régent Charles. Tous nos vélos sont saisis pour être emprisonnés au Bessère. Si nous demandons l'une ou l'autre faute commise, ils nous exigent une amende de 20 000 francs pour les retrouver. Nous sommes en ordre avec les frais de stationnement et nous respectons également les limites à ne pas franchir. On ne connaît pas pourquoi nos vélos sont confisqués. Parmi ce groupe, il y a ceux qui sont en tenue civile, en culotte, et d'autres se munissent de fusils. Ils arrivent à tout moment. On ne demande rien comme document. Ils indiquent que si on veut retrouver nos vélos, on doit payer nécessairement les 20 000 pour le paiement. On se parle avec un policier et ils se rendent directement dans le stock pour te mettre le vélo et ne donnent rien comme récit. Après ce paiement, s'il dépose le montant dans sa poche, on ne sait pas. L'essentiel est qu'il te remet la bicyclette. On peut considérer ces actions comme une façon de nous rançonner, car on ne délivre rien comme reçu attestant le paiement. Nous demandons qu'on nous dise la faute commise. S'ils veulent nous interdire l'accès à tel ou tel autre endroit, qu'on le sache. Voilà, c'était les lamentations de ces personnes qui font le taxi-vélo sur le boulevard du peuple Murundi. Et certains habitants qui empruntent la route Bujumbura-Bubanza sur la RN9 se plaignent. En effet, la construction d'un pont fait que la route soit barrée. Et sur cette route, la circulation est difficile. Et c'est un reportage de Moïse Misago. À quelques mètres du bistrot communément appelé Tip Top, l'on voit la clôture d'un chantier en construction. La route Bujumbura-Bubanza est barrée à cause de ce chantier. À côté de ce dernier, il y a un petit sentier pour les piétons. La circulation est difficile. Les passagers s'inquiètent pour leur sécurité, comme le dit ce dernier. À partir de 18h, quelques bus de transport n'arrivent pas à leur destination. Cet habitant de Kinama se plaint. Si les passagers s'arrêtent par là, il manque des moyens de déplacement pour arriver à Gikoma et nous demander aux services compétents de donner l'ordre aux responsables des bus et motos d'arriver aux places prévues pour faciliter le déplacement des clients, d'accepter de contourner les routes et des motards de garder le même prix de déplacement et de comprendre que la problématique est pour tous. Nubwo ces habitants de Kinama sont satisfaits de la construction de ce pont car les eaux de ruissellement faisait des dégâts dans cette localité. Toutefois, selon cette dame, les passagers ont trouvé le passage dans sa parcelle. Nous sommes contentes parce qu'on est en train de construire le pont, mais il y a des problèmes quand on a laissé un petit passage. Les personnes passent dans ma parcelle et si je le leur interdis, ils m'insultent, je demande qu'on cherche un autre endroit. Les habitants de cette localité font savoir que les travaux ont commencé il y a à peu près 2 semaines. Moïse Misago, vous voudrez bien nous excuser pour ces quelques imperfections dans le toilettage de ce reportage. On revient maintenant sur ces vols au niveau de l'avenue Kungiko. Des gens qui exercent leurs activités à cette avenue, c'est dans la zone Rohero, devant l'entreprise OTB, disent que le vol à cet endroit est inexplicable. Ils disent qu'après avoir pris les biens des passagers, les voleurs passent dans le puits se trouvant à cette même avenue et disparaissent. Ces gens demandent aux administratifs et aux chargés de la sécurité de prendre cette question en main. Orné Lamoujo. Ces personnes sont en train de montrer où les voleurs passent pour fuir après leur forfait. C'est un puits qui se trouve à l'avenue Kungiko et cette personne qui exerce son activité tout juste sur cette avenue révèle qu'il a déjà vu un voleur prendre une sac à main d'une dame. J'étais ici le soir, on déchargeait le camion ici à l'église. Soudain, on a vu une fille crier qu'on lui vole. On a aperçu un jeune homme venir à l'exécuter et entrer dans son puits. On l'a suivi avec les lampes à torches. Cet homme dit que le jour ne peut passer sans qu'il s'observe des gens qui ont été dépouillés. Ce puits se trouve à côté de notre église et dure très longtemps. Il cause beaucoup de problèmes. Les victimes de ce vol sont souvent les filles et les femmes. Chaque soir, on observe des cas de vol dans ce lieu. Certains jours, ces cas de vol s'observent même pendant la journée. Ce puits a été bouché, mais les voleurs ont enlevé les grillages qui le bouchaient. Ces cas de vol s'observent également dans le puits se trouvant devant le lycée Notre-Dame de Rohero, c'est en mairie de Bujumbura, dans la zone Rohero. Ornella Mucho, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Akimana pour la mise en onde de ce journal a été réalisé par Mireille Kanyangé. Au micro Jean Bosco, Douimana. Passez un bon après-midi.